En Corée du Sud, selon le quotidien du peuple, la solidarité des citadins pour une société démocratique a publié le 23 le résultat du sondage de l'opinion publique au sujet de la destitution de Bakounine. Effectuée sur 1200 hommes et femmes de plus de 19 ans de toute l'étendue du pays, l'enquête a enregistré 74% de voix pour la destitution de la gouvernante et 68,8% de voix demandant la prolongation du délai d'enquête spéciale sur l'affaire scandaleuse de Bakounine et de Chosun-sil. Par ailleurs, 71% ont soutenu la manifestation à la bougie pour la révocation de Bakounine et 76,3% se sont opposés à la traîtresse, refusant de reconnaître et de prendre la responsabilité de ses crimes.